Nous avons là un petit tas de pierres qui ont été ramassées par les participants dans un de nos ateliers, dans un parc non loin du Chadoc, afin d'appuyer sur les ferments qui avaient été fabriqués pendant l'atelier. Donc les ferments avaient été mis dans des petits bocaux en verre et par-dessus on mettait la pierre pour appuyer, car la lactofermentation, pour opérer, a besoin d'être dans des conditions dites anaérobiques, en absence d'oxygène.